majorité. Peuplé pourri, des fantômes, des géants, vols irréalistes, des rêves plans d'agence. Ne reste pas assis sur tes ambitions. Il t'accade toute ta vie, dans la collection de vanité. Assez fucked up world, juste pour jouer avec toi. On va tous mourir. Esclaves des réseaux, programmes mon compte de zéro. Dépenses inutiles sur les sites chinois. La vie de rêve, quoi. Mon cellulaire est mon pire ennemi. À la paix sur terre, c'est impossible. Donner un calculable informatique. Le bout de rien à verti. La vie rêvée, c'est aller dans le sud d'hiver. Pendant qu'on est en dehors des clôtures d'hôtel, c'est la guerre. Prends les substances, ne plus se rater d'hier. Le lit à son dur, ils ne feront qu'empirer. Des réseaux pas graves dans mon compte de zéro. Dépenses inutiles sur les chiffres chinois. C'est quoi mon cellulaire et mon pire ennemi? La paix sur terre, c'est pas bien impossible. Donner calculable, informatique. Je vous en ai averti. La morale de cette histoire, c'est qu'on n'est pas sorti du bois. Au pire, mettez le feu dedans, ça va battre pour terrain plat. Regarde ton estime de toi, ton ego est surdimensionné. Moi, mon ego est surgelé, je l'ai fait congeler pour le manger au petit déjeuner.